La méditation sur les émotions est une méditation qui vous permet de faire face aux émotions tapies à l'intérieur de vous. Très souvent, nous sommes animés par des sentiments sans en avoir conscience, et cela nous pousse à adopter des comportements inappropriés et parfois douloureux. La colère, la tristesse, la peur. Ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas reconnues, trouveront tous les moyens possibles pour s'exprimer. En méditant sur vos émotions, vous prenez conscience de leur présence et de leur impact dans votre vie. Ainsi, vous avez l'opportunité de comprendre le message qu'elles essaient de vous transmettre. Commencez par vous installer confortablement. Bougez légèrement de droite à gauche et de gauche à droite, d'avant en arrière, pour trouver votre juste équilibre. Adoptez une posture digne et confortable. Votre dos est bien droit, sans être rigide. Et vos bras reposent tranquillement sur vos cuisses ou sur vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts en posant un regard doux sur un point devant vous. Je vous invite à prendre trois grandes inspirations et à pousser chaque expiration le plus loin possible. Observez avec curiosité le parcours de l'air qui entre dans vos narines, chatouille le fond de votre gorge pour entrer dans vos poumons. Sentez votre poitrine se soulever à chaque respiration. Votre ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre souffle. Lorsque vous vous sentez tranquillement bercé par votre respiration, je vous invite à ouvrir votre champ de conscience aux sons qui vous entourent. Avec curiosité, notez les sons les plus proches de vous, mais également les plus lointains. Le tic-tac d'une horloge. Le chant d'un oiseau. Une voiture qui passe dans la rue. Accueillez simplement ces sons tels qu'ils sont. pour ce qu'ils sont. Laissez-les être sans essayer de les juger ou de les classer. Observez simplement leurs particularités, leur aspect éphémère et changeant. Élargissez un peu plus votre attention. Observez désormais ce qui est au contact de votre corps. La qualité de l'air sur votre peau, sa température, le contact de vos vêtements. Les zones de contact de votre corps avec la chaise et avec le sol. Notez toutes ces sensations physiques auxquelles vous ne prêtez pas attention d'ordinaire. Familiarisez-vous avec elles. Si l'une de ces sensations physiques vous paraît désagréable ou douloureuse, visualisez la zone concernée et posez dessus votre respiration avec bienveillance. Il est possible que vous éprouviez le besoin de bouger. Ce n'est pas un problème. Il vous suffit de vous mouvoir en étant pleinement conscient de chacun de vos gestes. Si votre esprit s'échappe ou vagabonde, rappelez-vous que c'est parfaitement normal et inévitable. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Revenez simplement à votre respiration. Lorsque vous vous sentirez prêt, observez maintenant les sensations émotionnelles que vous avez en vous. Toujours avec curiosité et bienveillance, tentez de reconnaître ces émotions. Nous avons naturellement tendance à enfouir en nous les émotions négatives que nous ressentons, parce qu'elles nous font mal, parce qu'elles nous dérangent. Ici, nous y faisons face pour les comprendre et ainsi pour nous comprendre. Reconnaître ses émotions, c'est faire un pas de plus vers nous-mêmes. C'est aller à la rencontre de soi. Sans jugement, avec bienveillance, accueillez ces émotions. Acceptez qu'elles soient présentes en vous, comme ces sons qui vous entouraient tout à l'heure. Quel message se cache derrière ces émotions? Qu'essaye-t-elle de vous dire? Qu'apprenez-vous sur vous-même à cet instant? Si une vague d'émotions désagréables vous submerge, pensez à respirer. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas ces émotions. Elles ne vous définissent pas. Elles sont des informations. Tout en continuant de respirer naturellement, notez comme les émotions que vous percevez évoluent. Elles s'atténuent. Chaque expiration vous détend un peu plus. Et chacune d'elles éloigne ces émotions de vous. Raccrochez-vous à votre respiration comme à une ancre. Inspirez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez jusqu'au bout de l'expire. L'inspiration la plus importante est celle qui a lieu maintenant. Puis celle-ci. Puis celle-ci. Vous êtes dans l'instant présent, ici et maintenant. Lorsque la cloche retentira, vous reprendrez doucement conscience de votre présence dans cette pièce. Prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux et n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé.